Exercice 7, page 132. A. Il a 9 tantes. B. Il a 9 oncles. C. Il a 9 ans. D. Il est 9 heures.